Stratagème, Noircifo, Symptôme, KF 2006. Écoute ça fort. Noircifo, Symptôme, j'suis pas comme un consola. Moi je rêve de percer mais deviens inconsolable. Accélère la chance, la poisse qui pousse au cul, la vague est violente. Quand les rires poussent au cul, ma porte est ouverte. Comme les peuches de Tagadji, au Caire ou la Sbar. L'odeur du Tagadji, Bicraft c'est risqué. Mais bon, les vendeurs savent, un faux pas et tu plonges de haut comme Vandersa. On est là sur le beat, posé comme lors d'un match amical. Kamika, sûrement pas la leçon de la Jamiga. On m'a dit, il faut du sens et des rimes. Ce monde est sens et dérive. Je me dis qui serait mieux sans ces dérives. Certains se plaignent, c'est les mêmes qui roulent en PMW. Dans le secteur, tu sais que l'état se PM nous bluffait. Les vesquis, c'est le principal. N'insiste pas, j'expliquerai pourquoi on atteint si bas. KF, c'est 9 types, donc 9 coups. Écoute, fâcheux sera la recette. Stratagème, c'est ceux que tu juges trop vite. L'esprit aussi crasseux qu'à Marseille. Pas de camas, Elias, mais t'es pas 7, c'est dingue. Nirkat, c'est bien, ça ne laisserait rien qu'une étincelle, c'est dingue. On est venu foutre le feu en masse. Comme au foot trip, marque des buts, c'est marque des buts. Et la cougnette varie selon le match. C'est dur, stratagème, fils, écoute, ça fort, on se laissera pas faire, on s'attrape même si yes, cool. T'es de mauvaise foi si tu trouves ce trait ou d'Archovine. Ici j'ai l'impression qu'on avance plus comme d'Archeville. La déco c'est tagué le grave, ma banlieue n'est pas belle, grave. Bon, j'avoue, c'est vite, mais c'est pas Belgrade. Mon 8 s'adéquate, la rime adéquate. Dans les têtes y'a pas grand chose, mais dans les box y'a des quads. La zone a pas vraiment d'attrait, les mandats traînent. Ici tout le monde le sait, la zone c'est demande adresse. Symptômes et noir s'il faut, le rap dans la baignoire s'il faut. Archivaux de croire que les gens qui vivent sans le pouvoir s'il faut. Hors norme, le cerveau loin du fort. Y'a un homme mort, si tu veux clash, j'ai quel hormone. Observe, au top 7, les autres 7. On a le son qui fait sûrement danser le curé aux obsèques. Un hématome dans tes enceintes, bavé sur symptômes. C'est comme comparer Madoma, c'est Madonna. Si le rap c'est de la baisse, ça c'est une trampoline. Comme au foot temporiste, tira haut sans un trampoline. Le succès en Torah, pour ça on croise les doigts. Même si c'est chaud comme un ordi qui croise les douanes. Les banlieues flambent et la France c'est une butte à gaz. Les paillons plus le moral et ceux qui ont trop but à gaz. La haine c'est une catin, tu dis qu'à rester sain. Tu rêves d'une belle vie gros, t'as qu'à rester sain. Je me console comme un autre, j'en suis qui se branle quand y'a ni meuf ni tasse. J'ai tué le pire, c'est que j'taffe pour as. Il me reste mon rap pour me remettre à neuf, j'n'y glace. Tes ennemis bavent et même quand t'es pas censé en avoir. Et ça rêve aux quatre pépins et à l'échirant de la boîte. C'est le KF. Apparemment tu le sais déjà, dans ma logique tu te ferais savoir pour son tape à travers ton CD Jacques. Mec, sous le couplet des gâches reste inattaquable sur le terrain comme dans le vestiaire. KF, l'équipe de foot, on en reste niveau fier. Il faut que des tonnes, chaud d'arrêt, Tracy m'accrédite. Avec Noir on monte plus haut comme Tracy m'accrédite. J'ai toujours trouvé les jambes et les dents des billets longs. Dans ma vie ça glisse plus que ça tire comme au biathlon. La chance, moi je veux l'Aliaf, c'est pas notre emblème à nous. Je me mirage sur Alia et on me croit dans les manouches. Y'aura toujours un peuple pour dire je veux pas que tu cours. Normal de toi, ils se méfient, j'kiffe sur du Curtis, mes filles. Immigré sûr, comme impossible de traiter de producteur ou d'immigré, t'as une crève. Dans mes textes, je pose de rap limite rêve. Je nique Le Pen car il aime pas les visiteurs. Mon pays t'accueille à midi, te vire à 18h. J'ai pas de soupe unique, j'ai le système comme beaucoup de tuniques. Rage, reine, un couple uni, évite d'être sous les coupes unies. C'est ça l'intolérance, tu l'acceptes et nous on te la rend dans tous les rangs. L'injustice énerve les petits et entre les grands. On ne persévère plus, on se laisse aller, on vit au jour le jour. Et au bout du compte on persévertu. On aime les histoires et tout ce qui est inimaginable. Finir marginal, chez nous c'est marginal. La magie noire a remplacé les contes des grands-mères. Ma vie un film où y'a plein d'écrans noirs. Mes prières se dirigent vers ces mecs qui ont pas de peau circoncis. Non, on sait en quoi réussir consiste. On veut concocter le bon cocktail. Lave une tasse dans un hôtel, beaucoup de cons sont cocktails. J'suis loin d'être le meilleur, mais loin d'être un loser. Et peut-être bien que la réussite c'est illusoire. On mène une vie jeune, je vis, je relativise. Si ton équipe est prétentieuse, moi je la divise. On veut tous décoller, on cherche l'aéroport. Tu parles d'esquiver le gouffre, pourtant c'est toi qui as l'aéroport. Ça commence comme Scream, ouais, par un coup de fil étrange. Noir, une frappe lourde et d'un coup le filet tremble. Dans la rue y'a que ceux qui restent assis qui stagnent. Mais crois pas tout change avec un city stade. C'est pas qu'à nous j'vis, faut pas monter les marches. On veut du calme ici, mais c'est pas monter l'imar. Après mon passage au rocher c'est l'hystérie. La star d'un soir pour tous ceux qui l'hystérinent. On m'a dit que ton rap est comme Zeta, qui suce au PDM. Pour toi ça marche pépère, mais t'as des seringues repris des veines que dans tes clips. C'est tout plein d'histoires de maquettes putes. Alors écoute-nous bien avant d'aller dire partout que nos maquettes plus. C'est le stratagème, DDOM 9430 ma gueule. J'ai trop de sévich, pas de qui pour faire des low valgen. Pour tout ce qu'on entreprend, personne pourra assurer. trop. Une rime pour chaque adepte, peu de chance que les schlagadères. Les raclis non plus, je viens pas faire danser comme Jagadej. Je veux pas d'un taf qui mette mes lombaires à mal. Faire mafieux, ça me dit rien quand je vois Paris Berama. En plus, dans ce milieu, celui qui a le plus beau Costa Rican. Je vais faire Koh-Lanta pour visiter le Costa Rica. De bonne guerre quand on peut, on frappe les forces de l'ordre au foie. Je suis trajet de marine comme je suis de la balle dans l'ordre d'un foie. C'est tristement qu'on rappe et pas en aimant la crise depuis le titre, non. À cette époque où le père du Christ manque. Reste à ma place, masse des intrus tombés de haut. Le diable approche des autres de trop près. Reste animal, mais les espions du mal se sont trompés de son. J'ai tabassé ma plume, je suis musico, ce qu'a cassé sa pute. Mais je serai content si son de cette cassette a plu. Sans trop vite vendre la peau du rap, je chante le ventre vite. Jusqu'à ce qu'on entre vive, KF94, pas de guerre entre villes.